Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet, c'est la 240e série numéro de la saga des Fab Four sur RIG sur 90.7 pour ceux qui écoutent en FM et sur www.rigfm.fr pour le reste du monde. Et je dis bien le reste du monde parce que nous accueillons ce soir une nouvelle américaine qui s'est inscrite cet après-midi. Je lui enverrai un bonjour tout à l'heure parce que peut-être qu'elle n'est pas encore à l'écoute tout de suite. Il est 14h là-bas aux États-Unis sur la côte Est, donc on en profitera tout à l'heure pour lui dire bonjour. Vous avez entendu Avril Lavigne en entrée, en pré-générique. Il y aura également un post-générique que je vous invite à entendre. L'album de la semaine, c'est Help, sorti en 1965, il y a juste 50 ans. On écoutera Help, bien sûr, You've Got to Hide Your Love Away, I Need You, Ticket to Ride, I've Just Seen a Face, et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de Yesterday. Il y aura également pour McCartney Every Night sur l'album McCartney en 1970. De Lennon, ce sera New York City. On enverra le bonjour justement à ceux qui habitent New York City ou juste à côté, dans le New Jersey par exemple, sur l'album Sometime in New York City en 72. Il y aura Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll sur All Things Must Pass par George Harrison et Think It Over à la fois sur l'album Hommage à Buddy Holly, mais également sur Ringo 2012, en sortie, figurez-vous, en 2012. Voilà pour l'essentiel. Et donc, comme nous avons un petit peu de temps à rattraper, je vous propose de démarrer de suite avec cette chanson qui est un cri, qui a été composée spécialement pour le film. Et à l'époque, Lennon se sentait justement comme ce cri-là. Il avait besoin qu'on l'aide parce que il se sentait gros, il se sentait pas bien, il n'aimait pas ce statut de star et donc il crie help sur RJ. Oui, je vous ai choisi la version des USA. Just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I've opened up a door. que vous vous rendez compte de la richesse de l'année 1970? En mars 1970, Ringo Starr sort Sentimental Journey, excellent album. Paul McCartney sort un mois plus tard l'album McCartney. Les Beatles sortent en mai l'album The Beatles. Ringo Starr sort en septembre l'album Bokoops of Blues. Et en novembre, George Harrison sort All Things Must Pass. C'est quand même absolument extraordinaire. Et si on rajoute évidemment, en décembre, un mois plus tard, l'album Plastic Ono Band de John Lennon. On est passé des Beatles où on achète un album à on achète deux albums de Ringo, un album de Paul, un album de John, l'album des Beatles. Bref, ça a dû vraiment coûter très très cher. L'album de George, ça a dû vraiment coûter très très cher aux fans à l'époque. Les critiques ont mal reçu l'album de Paul McCartney parce qu'ils étaient un peu contre lui à ce moment-là, puisque c'est celui qui a quand même endossé au départ la fin des Beatles. Mais le public, en revanche, le plébiscitera massivement en le propulsant à la tête des charts. Et il s'en écoulera très vite 2 millions d'exemplaires. S'il est objectivement plutôt inégal, cet album recèle néanmoins quelques perles, moments d'excellence, tels le délicat Junk, une version chantée et une autre instrumentale, Teddy Boy, deux titres enregistrés avec les Beatles sans être finalement retenus, ou encore la ballade Every Night du pur McCartney. La véritable perle de cet album, bien sûr, c'est l'incomparable Maybe I'm Amazed, une vibrante déclaration d'amour à Linda, d'une rare puissance mélodique et vocale. C'est l'une des toutes premières compositions, toutes meilleures même compositions de Paul, ce qui vous en conviendrait n'est pas peu dire. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson Every Night et de l'album de McCartney. Et nous arrivons 2 ans plus tard, en 1972, à ce que j'estime être le plus mauvais album de John Lennon, l'album New York City. Trop politique, trop de Yoko Ono dedans. Mais néanmoins, il y a quelques chansons dont on peut être fier et qui peuvent ressortir, comme cette chanson, New York City sur RIG. Vous allez voir comment tout est lié. Lovely Rita dirige le Beatles Magazine. C'est elle qui sait tout sur les Beatles, sur John, Paul, Ringo, George, les copains des Beatles, et également sur les animateurs radio qui font des émissions sur les Beatles. Elle vous prévient sur ses pages Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur plein d'autres formats. Elle est là 7 jours, 8 jours sur 7 même, 24 heures sur 24, c'est impressionnant, toute l'année. Et grâce à elle, j'ai connu Michael Honorato qui fait une émission le lundi soir de 10h à minuit aux États-Unis dans le New Jersey, juste à côté de New York, d'où New York City. Et cet après-midi, j'ai écouté le replay de cette émission-là qui s'appelle Beatles Tonight. Et c'est là que j'ai connu une Susan Linsa, je ne suis pas sûr de prononcer correctement, qui est venue s'inscrire dans le groupe La Saga des Fab Four. Donc, hello Susan. Thank you, lovely Rita. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est ça la saga des Fab Four, c'est love, love, love, et on en a drôlement besoin en ce moment, on vous dirait pas le contraire. Beatles, Paul, John, George. Il manque Ringo. Le voici, Ringo. Think It Over sur RIG. Cold and old. Think it over and let me know. Think it over, but don't be slow. Just remember all the birds and bees. Go by twos through life's mysteries. You think it over, yeah, think it over. A lonely heart grows cold and old. I'll play to me. C'est Ringo Starr en 2012. Nous revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine sur Help, sorti en 1965, c'est You've Got to Hide Your Love Away. La musique de Dylan, dont l'album acoustique Another Side of Bob Dylan venait de sortir, poussait John à écrire d'une façon plus intense et plus personnelle. Il se mit à composer des chansons répondant fidèlement à l'état d'esprit dans lequel il se trouvait au moment où il écrivait. Les premiers vers de You've Got to Hide Your Love Away décrivent John face à un mur, la tête dans les mains, ce qui est certainement tout à fait représentatif de ses sentiments du moment. La chanson parle d'une liaison qui a mal tourné et des sentiments cachés que John éprouve pour celle qui est partie. John l'a composée à Kenwood et elle fut utilisée dans le film lors de la séquence durant laquelle Eleanor Brown rend visite au groupe dans leur maison commune pour tenter de récupérer la bague sacrée. Peter Shelton, ami d'enfance de John avec, qui était avec lui à Kenwood, et se souvient que dans le texte original, John se sentait two foot tall, haut de deux pieds, mais il se trompa en chantant, disant two foot small, bas de deux pieds. Paul trouva que cela sonnait mieux et ses paroles furent conservées. Shelton assista également à l'enregistrement qui eut lieu le 18 février 1965 et participa au Hey Hey du cœur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson qu'on écoute immédiatement sous RIG dans la saga des Fab Four. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. But she said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. Away.

début 1967, la BBC proposa aux Beatles de participer à ce qui allait être la première liaison télévisée mondiale jamais réalisée, pour une émission de 125 minutes distribuée dans 26 pays, réalisée avec la collaboration des chaînes télévisées nationales de plusieurs pays d'Europe, de Scandinavie, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Afrique du Nord, ainsi que du Japon et d'Australie. Pour marquer cette occasion, il fut demandé aux Beatles de composer une chanson simple qui pourrait être comprise par des téléspectateurs de toute nationalité. L'écriture commença fin mai, Paul et John travaillant sur des idées différentes, jusqu'au moment où une chanson de John, All You Need Is Love, s'imposa comme une évidence. Elle avait non seulement un texte simple et une mélodie facile à retenir, mais surtout exprimait parfaitement les aspirations de la jeunesse de toute la planète en cet été 1967, opposée à la guerre du Vietnam. Ce que les téléspectateurs découvrirent dans Our World le 25 juin 1967 était la recréation d'une séance d'enregistrement des Beatles. La rythmique avait été enregistrée le 14 juin et la partie interprétée en direct était instantanément intégrée et mixée pour retransmission. Une atmosphère de fête fut arrangée dans le studio 1 d'Abbey Road par des amis comme Mick Jagger, Marianne Faithfull, Eric Clapton et Keith Moon. Ils vinrent s'asseoir avec eux, tenir des ballons, agiter des banderoles et se joignirent au chœur. George Martin accentua le message d'unité internationale en ouvrant la chanson sur quelques notes de la Marseillaise et en concluant par des extraits de In the Mood de Glenn Miller, de Bach et de Green Sleeves, pardon. Le 45 tours sorti le 7 juillet et devint l'hymne de l'été de l'amour, un hymne à la paix, à l'amour et à la tolérance. Et je vous assure qu'un paquet d'années plus tard, ça devrait encore être écouté par beaucoup de monde. Voici George Harrison sur RIG en 1976 sur l'album 33 and One Third. Voici Dear One. L'album At the Speed of Sound en 1976, Monsieur Paul McCartney, Warm and Beautiful. Je vous assure que sur Facebook, on s'éclate, là ça parle beaucoup anglais, tout simplement parce qu'il y a Michael Honorato du New Jersey qui nous a rejoint, il y a Susan qui habite près des chutes du Niagara qui est là, il y a Lovely Rita d'Angleterre, de Londres je pense, qui est là. Alors on essaie tous de parler anglais les uns avec les autres, c'est pas toujours évident, et pour vous, mes amis américains, parce que je pense aussi à ceux qui écoutent en France, c'est pour ça que je suis obligé de parler français, ce qui est normal, c'est ma langue naturelle. Donc, this is for you, my US friends. This is so glad to see you here. J'adore cet album Back to the Egg de Paul McCartney en 1979. C'était une petite parenthèse, elle n'était pas prévue dans la programmation. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Help. Et voici un bon morceau de George Harrison. George Harrison qui nous chantait une belle chanson d'amour, I Need You, sur RIG. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me, I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. I Need You sur Help est une chanson d'amour tout à fait conventionnelle que George composa pour Patty Boyd. C'est également l'une des deux chansons qu'il ne commenta pas dans son autobiographie I Me Mine, l'autre étant You Like Me Too Much. I Need You est la seule composition de George dans le film Help et la première chanson des Beatles à faire appel à une pédale wah-wah pour déformer le son de la guitare. Certains auteurs ont prétendu que George l'avait composée aux Bahamas en pensant à Patty qui était loin de lui. Mais c'est impossible car les séances d'enregistrement de cette chanson ont commencé le 15 février 65, soit une semaine avant leur départ pour les Bahamas. I told you before, stay away from my door. Don't give me that brother, brother, brother, brother. The freaks on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother, brother, brother, brother. I found out

que j'aime cette chanson. L'album Somewhere in England en 1981, Baltimore Orioles. Cette chanson est une reprise qui date de je ne sais plus quand. Je pense que Rook sur Facebook ne va pas tarder à me remettre la première version qui doit dater de 1935 ou un truc comme ça si je me souviens bien. Mais c'est une très très bonne chanson, une très très bonne reprise de Monsieur George Harrison. Et j'adore cette chanson sur cet album-là. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Help, sorti en 1965, il y a juste 50 ans tout pile. Et on est jeune à 50 ans. Et voici la chanson Ticket to Ride sur RIG. Lovely Rita sur Facebook, dans le groupe La Sega des Fab Four. Mark, Paul and Ringo are genius. Paul's contribution was the way Ringo played the drums here. C'est vrai, c'est vrai. C'est une idée de, c'est une chanson principalement de John, mais c'est Paul qui a eu l'idée de faire le tout, tout, tout, comme ça, de, c'est, qui a l'indiqué à Ringo. Et c'est une grande, une très bonne contribution. Et Ringo était un excellent batteur, que vous pouvez en dire ce que vous voulez. Phil Collins lui-même a déjà dit, par exemple, sur A Day in a Life, que c'est un morceau extrêmement difficile à jouer et qu'il faut vraiment le faire. Nous sommes maintenant en 1970 et voici une chanson connue par tout le monde. Et encore une fois, une chanson pour apaiser les esprits. Let It Be sur RG. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be. Let it be. Chapeau et respect à Rook qui sur Facebook a deviné, je n'avais pas présenté le chanteur. Vous savez que c'est la 17e chanson, là il y en a eu 18 puisque j'en ai inséré une de plus. J'ai inséré So Glad to See You Here pour mes amis américains. Mais la 17e chanson c'est toujours la cover de la saga des Fab Four. Donc un artiste qui reprend une chanson des Fab Four, de John, Paul, Ringo, George ou des Beatles. Même si ce sont les Beatles eux-mêmes qui avaient déjà repris une chanson par exemple de Chuck Berry, Little Richard ou tout ça. C'est ça la cover pour moi. Et bien là c'était sur l'album Footsteps 2 en 2010 ou 2011, il faudrait que je regarde la pochette pour en être sûr, et c'est Chris de Burgh donc en 2011 qui a chanté cette chanson. Il en a chanté d'autres des Beatles hein, mais c'est vraiment vraiment vraiment très très très bien. La suite de la saga, ça va encore bouger, c'est maintenant sur RIG. La saga des Fab Four, c'est sur RIG. We'll be right back. Paul McCartney en 1979 sur l'album Back to the Egg. Paul McCartney en 2013 sur l'album New. Listen to me. La radio des Beatles. Let's go. That road before, it always leads me here, lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed up. Crying for the day. projet initial commencé par Paul McCartney, c'était Get Back, retourner à l'essentiel, ne plus faire d'overdub, donc ne plus faire, si vous voulez, de multiplication de guitares sur plusieurs pistes, de multiplication de voix, de faire seulement ce que les quatre Beatles pouvaient faire ensemble en une seule fois au studio. Ce projet a été commencé comme ça, et puis pas du tout terminé comme ça, puisque Phil Spector est venu mettre son grain de sel et transformer The Long and Winding Road en cette superbe chanson qui a mis en colère Paul McCartney parce qu'il estimait qu'il massacrait son œuvre. Or, il faut bien avouer que depuis, d'abord c'est très joli, d'accord, ça n'a aucun rapport avec le projet initial, mais depuis Paul McCartney le reprend à peu près comme ça lorsqu'il reprend la chanson en concert. C'est pas grave, c'est bien. Et puis en 2003, il a sorti l'album Let It Be Naked avec l'accord des trois autres pour de façon à ce que le projet Get Back revienne plus ou moins à ce qu'il aurait pu être s'il était sorti comme ça en 1969. Puisqu'il aurait dû, il a été enregistré en 69, il aurait pu sortir en 69, et il est sorti en 1970. L'album de la semaine, c'est Help. Voici une nouvelle chanson, I've Just Seen a Face, sur RIG. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling back again. Oh, falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Where are we going, fellas? Two, three, four. Your hands and woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all that is written in the stars. Ooh. Well, well. Do-do-do-do-do. Pour vous, j'ai dédicacé cette chanson à Alexandra. D'accord, c'est juste pour vous, personne n'a entendu. Hello, this is Paul McCartney. C'est cadeau, ça. An answer. He used to follow her all the lot of American friends tonight on this show. Je ne les oublie pas et je n'oublie pas non plus les Français puisque nous sommes en France. C'est sur 90.7, c'est RIG 90.7, la radio des Beatles le mercredi. Shoot solo. Once you see it's bad, you must say no, no. When you cannot sleep, you must ask yourself what for. See what it is, you can ask no more. Lay down your arms. Sur l'album For the Love of Harry, Everybody Sings Nilsson, leur copain Harry Nilsson. Et c'est sur RIG, et c'est Ringo Starr et Stevie Nicks. Voici, tiré de l'album Let It Be Naked, on en a parlé tout à l'heure, Don't Let Me Down sur RIG. Me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. That she really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Let Me Down, John Lennon avec les Beatles sur l'album Let It Be Naked. Revenons une dernière fois à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Help, sorti en 1965. Et voici ce que dit Paul McCartney lui-même. Je le tire du livre Paul McCartney, morceau choisi, de Dominique Grandfils, à qui j'envoie un grand bonjour. Voici ce qu'il dit au sujet de Yesterday, ce que dit Paul McCartney. La mélodie de Yesterday m'est venue en rêvant. Je ne vais pas me mettre à broder que ça m'a pris 6 mois la tête dans les genoux. Ça n'est ni vrai, ni mon genre. Quand la mélodie d'Yesterday vous arrive en rêve, il est très difficile de ne pas croire en la magie. Vous pouvez vous persuader que vous ne croyez pas à ces trucs, mais à un moment, vous serez bien obligé de vous demander d'où vient quelque chose comme Yesterday. Il est possible de tout rationaliser, mais je pense qu'il se passe autre chose. Je ne sais vraiment pas quoi. De la chance, de la magie. Pourquoi un morceau de musique arrive à vous bouleverser, à vous faire pleurer, alors qu'il ne contient pas de paroles? Je ne sais pas comment ça peut arriver, mais je suis conscient que ces choses se produisent. J'aime cette magie et c'est quelque chose que je suis très heureux d'avoir dans ma vie. Voici Yesterday sur RIG. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. 90.7, la radio des Beatles. Got into my life. I don't know how you found me, but you did. It stopped me heading someplace else. Took me a while to say, wish you belonged to me. But now I'm sad like I never been. I could leave them all in someplace else. I hope you won't let go. Maybe you'll let me know that you'll be saddened like you've never been. I could leave them all in someplace else. I could leave them all in someplace else. Loneliness, empty faces. Wish I could leave them all in someplace else. I think I'm gonna leave them all in someplace else. Star en 2005 sur l'album Choose Love, Wrong All the Time. Superbe chanson. Why am I wrong all the time? That's all that I want to know. I used to do everything right. It doesn't seem that long ago. Why am I wrong all the time? I'm not the one who has changed. You look with a new point of view. I still look at you the same. I'm the same man that I was. Now all you see are my mistakes. All I want to give is love. But the way that we are makes my heart break. Give me a reason to go on. That door, you realize when I'm gone, I'm the same man that I was before. To go on, letting love die is unkind. If I still know you're the one, why am I wrong all the time? How can I? Et il rigole en plus à la fin. Une chanson qui est à rapprocher de Husbands and Wives qu'il avait chanté en 1974 sur l'album Goodnight Vienna, Ringo Starr à l'instant sur RIG. On écoute une dernière chanson des Beatles, une dernière chanson de Ringo, et il sera temps de nous quitter déjà puisqu'il est 22h passées sur RIG. Il n'y a pas d'émission Johnny de A à Z ce soir, Eric n'est pas là, il se rattrapera la prochaine fois certainement. It's alright, darling, it's been a waltzing, doing that double talking. Anything they can do to make it through another LA night. And can you imagine all those girls are strolling, all the boys are holding. They're doing the best to make it through another LA night. In a picture show night, in their own little world, in their own little space, they can be who they want to, in their own little place. Hollywood is reeling with the double meaning. Anything they can say to make it through another LA night. And can you imagine all the girls are smiling, boys are trying. Anything they can take to burn away another LA night. In a picture show light. They win and they lose, and they pick and they choose. They've been dancing for so, what else can they do? Can you imagine all those girls are strolling, all those boys are holding. They're doing the best to make it through another LA night. In a picture show life. Star sur le fantastique, le très bon album Old Wave en 1983. Pas son meilleur, mais il y a de très très bonnes chansons dedans, dont celle-ci, Picture Show Life. Il est temps de rendre l'antenne avec du retard. Voici le générique de l'émission. Stay right after this song, there's a bonus song right after this. Restez et merci d'avoir écouté la saga des Fab Four, la numéro 240. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, bisous aux filles, poignées aux garçons. C'était Thierry Gallet depuis la France, depuis Bordeaux, pour la saga des Fab Four sur RIG 90.7 en FM et www.rigfm.fr pour le reste du monde. Salut à tout le monde et à très bientôt. Ciao. sky. But I'm not